Le changement climatique est là. Alors, on fait quoi ? Moi, je fais mes courses en vrac. Ah, moi, je me déplace à vélo. Et je fais pipi sous la douche. Tous nos gestes comptent. Mais comment aller plus loin ? À la Fondation Terre Solidaire, nous pouvons agir ensemble sur nos modes de vie pour construire une transition écologique vertueuse. Nous soutenons les initiatives locales qui inventent de nouvelles façons de produire et de consommer, comme la création d'une filière de la fleur française en circuit court ou le développement local des énergies renouvelables via des collectifs de citoyens. Pas d'action sans don. Soutenez la Fondation Terre Solidaire. La science CQFD, Natacha Triou. Depuis la découverte de l'importance du microbiote intestinal, ils sont très à la mode, les prébiotiques et probiotiques. Que dit la science de leurs effets sur la santé ? Ils sont arrivés massivement sur le marché, les pré- et probiotiques. Commercialisés sous forme de gélules, de compléments alimentaires ou en sachets de poudre, tous s'appuient sur un même principe. Prendre soin de votre microbiote grâce à ces bactéries amies. Si certains bienfaits sont scientifiquement détaillés dans un cadre pathologique, d'autres restent à ce jour hypothétiques. Quels sont leurs mécanismes d'action et pourquoi la recherche s'oriente-t-elle vers l'utilisation de probiotiques de nouvelle génération ? Probiotiques, avoir le ventre en poupe. Arisa Coel, bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et l'auteur de la BD « Les extraordinaires pouvoirs du ventre » paru l'an dernier aux éditions de Boc Supérieur. Nous sommes en ligne avec Nathalie Verniol, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacologue, directrice de recherche INSERM et directrice de l'Institut de recherche en santé digestive à Toulouse. Vous avez obtenu le prix Recherche 2018 de l'INSERM pour votre travail sur les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Pour compléter l'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet, riche de sources, d'articles et d'études. C'est tout de suite @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment la consommation de probiotiques peut contribuer ou non à améliorer la composition de notre flore intestinale, de leur place dans la médecine humaine et des promesses des probiotiques du futur. On commence avec leur succès public. Ils sont devenus un argument marketing, en témoigne cet extrait de journal télévisé de 2005. C'est notre archive du jour. Au rayon des yaourts, c'est la guerre. Bon pour le cholestérol, pour la forme, pour les enfants. Champion toute catégorie des allégations santé, le lait fermenté en petite fiole, le probiotique, qui a su convaincre ses adeptes. Je prends ça jeune, avant de prendre mon café, voilà. Ça me fait du bien, je constate que je me sens beaucoup mieux. Vous êtes sûr que c'est pas un peu psychologique comme effet ? Ah non, c'est pas psychologique, je pense que c'est ce que moi je ressens. Le marché est en plein boom. 6 millions de petites bouteilles vendues chaque jour. 35% de hausse l'année dernière pour le poids lourd du secteur, qui dérape parfois dans ses arguments santé. Pourquoi donnez-vous Actimel à votre enfant ? Ce spot a été retiré en 2002 car il prétendait que le probiotique pouvait lutter contre les germes des bacs à sable. Exagéré et mensonger selon les experts, même si depuis un récent rapport a montré que les probiotiques peuvent avoir quelques effets. Des effets peut-être, mais aussi des défauts. Les laits fermentés sont chers et sucrés. Le débat scientifique n'est pas tranché. Les campagnes de pub, elles, battent leur plein. Voilà notre archive de 2005. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Harry Sokol ? Oui, on peut dire que c'est encore d'actualité. Donc aujourd'hui, il y a des probiotiques dans l'alimentation, dans énormément de produits. Il y a aussi des compléments alimentaires. Et on a des données scientifiques qui sont, on va dire, très variées, parfois un petit peu contradictoires sur l'intérêt de ces produits. Nathalie Verniol, vous aussi, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, c'est d'actualité, je suis d'accord avec Harry, mais on sent aussi que c'est une archive, parce qu'on a quand même beaucoup compris de choses depuis ce temps-là. Et puis aussi la référence à probiotiques, produits laitiers, voilà, c'est pas systématique non plus, il faut pas croire que tous les probiotiques sont des produits laitiers. Il y a des compléments, enfin bon, on va probablement en parler un petit peu, mais il faut pas faire l'amalgame, c'est ce que... On va arriver sur la compréhension des probiotiques, prébiotiques, mais pour comprendre l'intérêt de tout ça, il faut d'abord peut-être comprendre le rôle du microbiote sur notre organisme. Nathalie Verniol, est-ce qu'on peut faire un point sur cet écosystème qu'est le microbiote ? Bah, ça, c'est effectivement, c'est le mot juste, écosystème. D'ailleurs, on a aussi tendance à considérer que c'est un organe à part entière. En fait, c'est une population mixte, hein, composée de différents micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons, et donc qui vivent tous ensemble, en général, à l'état d'équilibre. Les recherches aujourd'hui, elles se concentrent sur comprendre qu'est-ce qui fait cet équilibre, comprendre comment cet écosystème va vivre avec l'autre écosystème qui sont nos propres cellules, de nos propres tissus, et comprendre qu'est-ce qui se passe dans des conditions de pathologie, dans des maladies, comment cet écosystème est modifié, comment est-ce qu'on peut le ramener à un état, disons, normal, physiologique. Donc voilà toutes les questions qui se posent aujourd'hui. Et Aristocle, chez l'adulte, le tube digestif est colonisé par environ 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps humain. Le microbiote possède une grande diversité. Oui, effectivement, ce microbiote, c'est vraiment, comme l'a dit Nathalie, un écosystème. Il faut savoir qu'il commence à apparaître à partir de notre naissance, puisque dans l'utérus maternel, ou je devrais dire plutôt dans la poche placentaire maternelle, il n'y a pas de micro-organismes vivants. Et donc, on rencontre les premiers micro-organismes vivants à partir de l'accouchement. Et ce microbiote va progressivement coloniser, s'installer, rentrer dans l'état d'équilibre qui était mentionné préalablement pour atteindre justement un microbiote adulte entre l'âge de 3 et 5 ans. Et effectivement, il va y avoir des vagues successives de micro-organismes qui vont coloniser notre intestin avant d'arriver à cet état d'équilibre. Et une des caractéristiques d'un microbiote sain, c'est justement cette grande diversité, c'est-à-dire à la fois un très grand nombre de micro-organismes différents et en même temps un équilibre entre ces micro-organismes, un petit peu comme finalement dans n'importe quel écosystème, dans une forêt, dans un océan, c'est exactement la même chose. Vous parlez tous les deux de cet état d'équilibre. Si on simplifie un peu les choses, grosso modo, le microbiote contient des bactéries pro-inflammatoires qui activent l'immunité, des bactéries anti-inflammatoires. Quand on va bien, nous avons un microbiote à l'équilibre. Là, on parle de biose, mais cet équilibre peut être rompu. Et là, on parle de dysbiose. Nathalie Vergnol, qu'est-ce qu'une dysbiose et puis comment survient-elle ? Justement, une dysbiose, c'est un déplacement de cet équilibre, c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines espèces bactériennes, par exemple, qui vont être en surnombre ou alors d'autres qui vont être en sous-nombre, sous-représentées. On va avoir, donc, ce que disait Harry, une représentation, disons, moins importante d'une variété d'espèces. Et donc, comment est-ce que ça arrive, cette dysbiose? Quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à la dysbiose? Il y a des facteurs, disons, de l'hôte, nos propres cellules qui peuvent engendrer, en fait, ce déséquilibre de cette communauté bactérienne. Il y a des facteurs externes, des agents polluants, par exemple. Des médicaments aussi peuvent modifier cet équilibre vers une dysbiose. Donc il y a vraiment énormément de facteurs qui peuvent faire bouger en fait cet équilibre vers une dysbiose. Aristocle. Oui, effectivement, notre microbiote intestinal, il est extrêmement sensible à tous les facteurs environnementaux auxquels il est soumis et donc auxquels nous sommes soumis en tant qu'être humain. Et donc ce microbiote, il va s'adapter aux changements environnementaux. C'est d'ailleurs pour cette raison les micro-organismes en général, on les trouve partout à la surface de la Terre, même dans les environnements les plus extrêmes, parce qu'ils sont capables de s'adapter. Et donc dans notre intestin, ces micro-organismes vont être soumis à énormément de facteurs et parmi les facteurs principaux, il y a les antibiotiques, qui sont évidemment pas des facteurs, on va dire, naturels, mais que en tant qu'être humain, on va prendre de temps en temps. Puis un autre facteur clé, c'est l'alimentation. Et donc, en fonction de l'alimentation, nos micro-organismes et donc notre microbiote va se modifier. Et à côté de ça, à peu près tous les facteurs environnementaux auxquels on peut penser et qui peuvent avoir un effet sur nous, ont un effet sur notre microbiote. Peut-être un mot aussi sur l'importance d'un microbiote équilibré, Aristocle, de dire quelles sont les fonctions qu'exerce ce microbiote. Oui, alors effectivement, Nathalie Vergnol parlait tout à l'heure d'un nouvel organe, et effectivement, on peut vraiment prendre cette analogie. Ce microbiote, il va avoir, on va dire, des grandes familles de fonctions. D'abord, ce que l'on appelle des fonctions dans le métabolisme, et donc dans ce cadre-là, il va fabriquer certaines vitamines, que lui seul va pouvoir fabriquer, comme par exemple la vitamine K, qui est une vitamine nécessaire à la coagulation du sang, à la bonne coagulation du sang. Il va également jouer un rôle dans la régulation du métabolisme des sucres, des graisses, et donc potentiellement, si on pense à des maladies, jouer un rôle dans le diabète, dans l'obésité. Il va également jouer un rôle dans le métabolisme, c'est-à-dire la transformation des agents externes que l'on va ingérer, ce que l'on appelle les xénobiotiques, les agents étrangers que l'on va ingérer de manière volontaire ou involontaire. Involontaire, ça va être par exemple des pesticides ou d'autres polluants qu'on va trouver dans l'alimentation. Et puis volontaire, ça peut être des médicaments. Et on sait aujourd'hui que le microbiote va jouer un rôle dans la transformation de ces médicaments. Ensuite, le microbiote va avoir absolument un rôle clé dans l'immunité. La maturation, la stimulation de notre système immunitaire dans l'intestin, bien sûr, et l'intestin est le premier organe immunitaire de notre corps, mais, et c'est plus surprenant, dans l'immunité globale de notre organisme. Par exemple, ce que l'on appelle les globules blancs, les cellules immunitaires, sont fabriquées essentiellement dans la moelle osseuse, et aujourd'hui, on sait que le microbiote intestinal, via des petites molécules qu'il fabrique et qui se retrouvent dans le sang, vont avoir des effets sur la production des globules blancs dans notre moelle osseuse. Enfin, il y a également un rôle dans la protection contre les pathogènes, les agents infectieux dans l'intestin, en entrant particulièrement en compétition avec les agents pathogènes, pour la nourriture, pour des sites de fixation. Et puis, il y a aussi des effets à distance, et on découvre, et notamment Nathalie connaît ça très bien, les effets sur le cerveau, avec différents mécanismes, soit via les nerfs qui relient l'intestin et le cerveau, soit via des molécules, là encore, produites par le microbiote, qui se retrouvent dans le sang et qui peuvent aller agir jusque dans le cerveau. Voilà, lorsque le microbiote est altéré, déséquilibré, lorsqu'il y a une dysbiose, on suggère donc de prendre des probiotiques. À ce moment-là, Nathalie Vergnol, prébiotiques, probiotiques, postbiotiques, on peut un peu s'y perdre. Quelle est la différence? Si on peut faire un distinguo sur ces probiotiques conventionnels, on parlera des secondes générations dans un second temps. Alors bon, les probiotiques conventionnels, si on peut dire, ce sont des organismes, des micro-organismes donc vivants, qui ont un effet bénéfique pour la santé. C'est probablement la définition la plus simple qu'on puisse donner d'un probiotique. Donc ça doit être un organisme vivant et qui confère un bénéfice. Les prébiotiques, ce ne sont pas des organismes vivants. C'est finalement la nourriture, si vous voulez, de ce microbiote et d'ailleurs de ces probiotiques aussi. Ce sont des éléments, disons, fermentés qui vont alimenter et aider la communauté microbienne du microbiote à vivre et à se comporter, de façon saine. Et pour les postbiotiques ? Et pour les postbiotiques, alors là, ce sont des produits en fait non vivants là aussi, qui peuvent inclure des cellules microbiennes, mais qui sont vivantes, ou des composants de la paroi de ces cellules qui peuvent eux aussi avoir un effet bénéfique. La différence en tout cas entre les deux, entre pro et prébiotiques, Nathalie Vergnol, c'est aussi leur temps d'action sur l'organisme. C'est effectivement aussi leur temps d'action. Hein. Alors bon, un probiotique, je l'ai dit, c'est un organisme vivant. Lorsqu'il est ingéré, il va falloir qu'il s'insère dans la communauté, dans le microbiote dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est une communauté. Donc c'est un organisme vivant, c'est une nouvelle personne qui arrive dans une communauté et qui doit vivre, s'insérer et échanger avec cette nouvelle communauté. Donc ça prend un certain temps, mais finalement ça reste relativement rapide. Les prébiotiques, je l'ai dit, c'est vraiment ça va être la nourriture de cette communauté. Donc là, ça va prendre plus de temps à cette communauté pour l'appréhender, s'équilibrer vis-à-vis de ce qui est fourni donc par ces prébiotiques. Et donc effectivement, ces prébiotiques, on en voit des effets que lorsqu'ils sont utilisés, consommés pendant un temps relativement long. Harry Sokol, historiquement, comment a-t-on découvert les effets des probiotiques? Quand est-ce que c'est apparu ce concept? Alors en fait, c'est relativement ancien. Donc les probiotiques, ce sont d'abord des bactéries que l'on a dans l'alimentation. Alors honnêtement, la date précise, peut-être Nathalie, elle la connaît, mais c'est notamment un certain Metchnikov qui a introduit cette notion de probiotique il y a déjà plusieurs siècles. D'ailleurs, ça lui a valu un prix Nobel. Donc l'idée, c'était effectivement d'avoir des bactéries dans l'alimentation, et notamment, ça a commencé avec les yaourts particulièrement, qui était censé avoir donc des effets bénéfiques sur la santé et potentiellement une prévention vis-à-vis des risques d'infection à l'époque. Nathalie Verniol. Oui, effectivement, ça date cette notion de prébiotique. Metchnikov, c'est probablement effectivement le premier qui a décrit ça. Après, il y a l'histoire intéressante de Nisleu 1917. C'est une souche bactérienne d'Escherichia coli. Hein. On en a un petit peu entendu parler de ces coli. Donc c'est une souche qui a été identifiée dans les tranchées allemandes chez un soldat allemand qui, contrairement à tous ses camarades qui souffraient de dysenterie, c'était le seul à ne pas avoir de diarrhée, ne pas souffrir de dysenterie. Et il y a un médecin allemand qui a eu la bonne idée d'aller regarder ce qui se passait dans ses selles et qui a identifié cette souche, donc qu'on a appelée Nisleu, je crois que c'était le nom du soldat, hein, 1917, puisque c'était en 1917. Et c'est comme ça qu'on a identifié très clairement une première souche probiotique qui est d'ailleurs par la suite qui a été commercialisée aujourd'hui. Elle est commercialisée pas en France, je crois pas en France, mais dans d'autres pays sous le nom de Mutaflore. Et donc c'est cette souche qui a été originellement identifiée en 1917 dans les tranchées. Alors, dans quel cas est-il recommandé de prendre des probiotiques en complément ? Restez avec nous, on répond à cette question. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. C'est 16h17 sur France Culture avec Harry Sokol et Nathalie Verniol. Nous parlons des pré et probiotiques et de leurs effets sur le microbiote. Nous venons de voir que la qualité de notre microbiote est importante pour notre santé digestive, mais aussi métabolique, immunitaire et neurologique. Nous venons un peu de définir ce qu'étaient ces probiotiques, qu'ils ont de nombreuses sources alimentaires à présent. Harry Sokol, quel rôle plus précisément jouent les probiotiques sur l'organisme ? Alors, les effets des probiotiques sur l'organisme, ils ont été étudiés beaucoup chez l'animal, beaucoup sur des cellules, mais finalement, là encore, on parle des probiotiques classiques, assez peu d'essais chez l'homme dans des indications médicales particulières. Donc aujourd'hui, d'un point de vue médical, il y a vraiment très peu d'indications dans lesquelles les probiotiques classiques ont montré une efficacité et sont donc recommandés par les sociétés savantes. Vraiment, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Il y a essentiellement la diarrhée liée aux antibiotiques. Parce que vous savez que quand on prend des antibiotiques, eh bien, on tape sur la mauvaise bactérie que l'on vise, mais malheureusement, on va taper aussi sur les bonnes bactéries de notre microbiote, et ça va induire potentiellement une diarrhée. Et donc, certains probiotiques, et là encore, il y en a très peu qui ont démontré une efficacité, permettent de réduire la fréquence ou la durée de la diarrhée liée aux antibiotiques. Et donc ça, c'est une indication bien validée aujourd'hui, et d'ailleurs depuis assez longtemps. Ensuite, on a la diarrhée de l'enfant, la gastro-entérite de l'enfant. Et là encore, il y a certains probiotiques, et en l'occurrence, ce sont les mêmes que pour la diarrhée liée aux antibiotiques, qui ont démontré une réduction de la durée de la gastro-entérite chez l'enfant. Et enfin, on a certains probiotiques qui ont montré un effet dans le syndrome de l'intestin irritable et qui sont là aussi recommandés par les sociétés savantes. Et je dirais que c'est à peu près tout. Il y a quelques probiotiques qui ont montré certains effets dans les maladies inflammatoires de l'intestin, mais ce sont vraiment des effets extrêmement modérés. Et c'est à peu près tout. Nathalie Sokol, Nathalie Verniol, pardon. Si tout ça, ça veut dire que si je vais bien dans un contexte sain, sans souci de santé, quels seraient les effets de ces prébiotiques pris en complément alimentaire ? Alors j'étais déconnectée, j'ai pas entendu tout ce que disait Harry, mais bon, les effets de prébiotiques quand on n'a pas de pathologie précise, de toute façon ils peuvent modifier le comportement de notre microbiote, hein, puisque tout d'un coup on va donner à manger à notre microbiote quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'il a l'habitude de manger. Donc on peut voir un comportement un petit peu différent de cette population du microbiote. On l'entendait tout à l'heure dans le reportage, il y a certaines personnes qui disent « ah ben je me sens mieux ». On peut avoir un transit intestinal sans être malade, mais qui est quelquefois un petit peu chaotique et qui peut être… disons qu'il peut se passer mieux sous l'effet de prébiotiques. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les bienfaits sont avérés en contexte pathologique, hein, en cas de dysbiose, mais les bienfaits des probiotiques, quand on n'est pas malade, c'est simple, il n'y en a pas, Harry Sokol ? Bon, je dirais pas qu'il n'y en a pas, je dirais que d'abord qu'ils sont très difficiles à démontrer, parce que là, en fait, quand on est sain, démontrer que l'on est plus sain que sain, c'est extrêmement compliqué. C'est comme quand on essaye de laver plus blanc que blanc, vous savez, c'est la publicité. Donc c'est extrêmement compliqué de le montrer. Après, ça ne veut pas dire que, même si on n'est pas encore dans la maladie, et notamment, effectivement, comme le disait Nathalie, les gens qui vont se plaindre d'avoir un transit un peu irrégulier, des ballonnements, donc ce n'est pas forcément une maladie authentifiée, mais un inconfort abdominal. Eh bien, ça ne veut pas dire que certains probiotiques ne vont pas pouvoir les aider de manière individuelle. Après, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que on a très très peu de probiotiques qui ont fait l'objet, y compris dans cette situation-là, d'essais cliniques. Et donc, le médecin est bien embêté pour conseiller tel ou tel probiotique. Ça ne veut pas dire qu'on ne conseille pas aux patients, dans ce type de situation, d'essayer un probiotique. Mais on a une approche un petit peu empirique, c'est-à-dire qu'on va dire aux patients, essayez, si vous voyez que ça vous fait du bien, parfait. Si ça ne vous fait pas de bien au bout de 3-4 semaines, eh bien, arrêtez et peut-être essayez-en un autre. Nathalie Verniol ? On a des soucis de connexion, visiblement, avec Nathalie. Ah, si, vous êtes avec nous. Je vous entends. Oui, pardon, je vous entends. Effectivement, ils peuvent être utilisés, y compris par des gens qui n'ont pas réellement de pathologie déclarée et peuvent avoir des effets bénéfiques, régulateurs, du transit. Après, une question majeure aussi, hein, c'est de savoir qu'est-ce qui est vendu, parce que aujourd'hui, ils sont pas vendus sous le label médicament. Selon ce qui est pris, ce qui est proposé, on n'a pas forcément, disons, des compositions reproductibles dans ce qui est proposé à la vente. En ce moment, l'autre chose qui est très à la mode, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à tout prix à avoir une analyse de leur microbiote, Harry Sokol. Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire une analyse de son microbiote ? Dans quel cas c'est pertinent ? Alors, pour donner une réponse simple, aujourd'hui, que ce soit pour un sujet sain ou pour un malade, il n'y a pas d'intérêt à faire une analyse du microbiote. C'est pas moi qui le dis, ce sont les sociétés savantes, hein, de différentes spécialités, y compris celle de gastro-entérologie, parce que finalement, les résultats que l'on va obtenir ne vont pas nous aider à prendre en charge le patient, guider la thérapeutique ou autre. Et finalement, on va revenir, en termes de recommandations après ce type d'analyse, toujours aux mêmes recommandations, qui sont finalement des recommandations pour avoir un microbiote en bonne santé, c'est-à-dire manger des fruits et des légumes qui contiennent naturellement des prébiotiques, c'est-à-dire ces fibres, ces sucres qui nourrissent les bonnes bactéries du microbiote, réduire tout ce qui peut agresser le microbiote, donc réduire la viande rouge, réduire la charcuterie, réduire les aliments ultra transformés qui contiennent des conservateurs, des émulsifiants, des molécules agressives pour notre microbiote. Et donc, finalement, ces recommandations, on n'a pas besoin de faire d'analyse du microbiote pour les donner. Nathalie Verniol, c'est ça, dans un contexte pathologique, une analyse du microbiote peut aider à déterminer un manque existant, ce qui pourrait donc être comblé par une prise de pro ou de prébiotique. Oui, tout à fait. Effectivement, dans un contexte pathologique, là, ça peut devenir intéressant. Mais au-delà de ça, quand on fait de la recherche dans ce domaine-là, l'analyse du microbiote est extrêmement importante, y compris chez les patients dans certaines études, justement pour regarder et comprendre qu'est-ce qui va modifier cet état d'équilibre, qu'est-ce qui va faire que certaines espèces vont être plus présentes et d'autres moins présentes. Donc c'est dans ces cas-là que l'analyse du microbiote est extrêmement importante. Dans le cas d'études cliniques, c'est vraiment un incontournable si on veut comprendre les mécanismes de fonctionnement. Alors, parmi les facteurs qui influencent notre microbiote, il y a notamment les aliments que l'on consomme, on vient de le dire. Quel est l'impact des additifs alimentaires sur notre microbiote? C'est une vaste question, mais des chercheurs de l'INSERM se sont penchés plus spécifiquement sur certains additifs, les agents émulsifiants, et vous êtes allée à leur rencontre, Natacha Demoule. Bonjour. Bonjour Natacha. Oui, les agents émulsifiants, c'est la catégorie d'additifs la plus utilisée dans l'agroalimentaire. Ils sont présents dans les produits transformés comme le pain de mie ou la crème glacée pour améliorer le goût, la texture ou la conservation. Benoît Chassin est directeur de recherche INSERM à l'Institut Cochin à Paris. D'abord chez les souris, puis chez l'homme, il a étudié avec son équipe l'impact des agents émulsifiants sur la muqueuse intestinale. Résultat, au moins l'un d'entre eux, le carboxyméthylcellulose, est suffisant pour induire la présence de mauvaises bactéries trop près de la paroi intestinale, ce qui peut conduire à des inflammations intestinales. Mais alors, peut-on éviter ces effets des émulsifiants? Peut-on protéger la paroi intestinale en jouant par exemple sur les bactéries présentes dans notre microbiote? C'est ce que Benoît Chassin et son équipe ont essayé de faire en donnant des probiotiques à des souris. Donc ce qu'on voit en fait, c'est un marquage d'une coupe d'intestin où on voit les différentes couches qui organisent l'intestin, avec les points rouges tout en haut qui sont les bactéries du microbiote, la couche en vert qui est la couche de mucus et qui permet vraiment de les garder à distance, et ensuite en bas on a l'épithélium ici en violet et en bleu. Et donc on a une deuxième image devant nous où les points rouges ne sont pas situés au même endroit. Exactement, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille au laboratoire, c'est le fait qu'en conditions normales, en conditions physiologiques, les points rouges doivent être, les bactéries donc du microbiote doivent être vraiment gardées à distance de l'épithélium, tandis que sur la deuxième photo à droite, on a vraiment ces bactéries qui ont été capables de pénétrer cette couche de mucus qui est normalement stérile à la surface de l'intestin, et ces bactéries se sont donc rapprochées très dangereusement de la surface de l'épithélium. Et donc vous travaillez sur les causes potentielles de ce genre de rapprochement? On s'intéresse vraiment très particulièrement à ces bactéries ici qui ont été capables de se rapprocher, de coloniser cette couche de mucus et de se rapprocher de l'épithélium. Du coup, ce qu'on a voulu faire plus récemment, c'était voilà, essayer de voir si on pouvait utiliser certaines bonnes bactéries du microbiote pour contrecarrer ces effets négatifs. Et alors, quelles sont ces bonnes bactéries, entre guillemets? Pourquoi est-ce que c'est à elles qu'on s'est intéressé? Est-ce qu'on sait qu'elles ont un rôle en général bénéfique? Ce qu'il y a de fascinant avec Acarmentia mucinifilla, c'est que c'est une bactérie qui est capable justement de modifier un petit peu cette couche de mucus, et elle est capable de favoriser, d'accélérer son renouvellement. En fait, on va avoir le renouvellement de la couche de mucus qui va être favorisé par cette bactérie Acarmentia mucinifilla, d'où son nom d'ailleurs, mucinifilla, parce qu'elle c'est une bactérie vraiment qui aime le mucus et qui aime les mucines associées au mucus. Et ce qu'on essayait de voir et de regarder, c'était voilà, est-ce que cette bactérie est capable, en favorisant cette synthèse et cette régénération de la couche de mucus, de prévenir des altérations qui sont normalement observées avec la consommation de ces additifs qui sont les agents émulsifiants. Et le résultat, c'est que c'est bien le cas. Exactement. Donc ce qu'on a pu observer, c'est que déjà on a pu reproduire ce qu'on a observé par le passé, c'est que quand on traite nos souris avec ces agents émulsifiants-là, on a vraiment cette couche de mucus qui est colonisée par des mauvaises bactéries, et ça conduit à des dérégulations métaboliques et à de l'inflammation intestinale chez la souris. Et quand on fait exactement la même manip, mais que cette fois on traite en plus les souris avec Acarmentia mucinifilla tous les jours, pendant toute la durée du traitement et de l'exposition à ces additifs, et bien on est capable de complètement prévenir l'impact négatif de ces additifs alimentaires. Les souris ont une couche de mucus qui redevient stérile, l'épaisseur de la couche de mucus est conservée et restaurée, on n'a plus du tout de dérégulation métabolique, on n'a plus du tout d'inflammation intestinale chez ces souris. Oui, parce que ce qu'on voit sur la photo, c'est non seulement qu'il n'y a pas de bactéries dans le mucus, mais qu'il est quasiment deux fois plus épais. Ouais, donc exactement, on a à la fois une synthèse de mucus qui est augmentée avec Acarmentia mucinifilla, et en plus les bactéries les plus proches de l'épithélium. Tout ce que nos travaux montrent, et les travaux d'autres équipes à travers le monde montrent, c'est que ces bactéries jouent tout un tas de rôles bénéfiques, mais à condition qu'elles soient gardées à distance. Et plus cette distance entre nous, notre épithélium et le microbiote est importante, plus les rôles bénéfiques du microbiote vont être favorisés. Et c'est clairement ce que permet de faire Acarmensia mucinifera. Est-ce qu'on sait si elle empêcherait ou plutôt guérirait ces inflammations chroniques? Alors là, on n'a pas vraiment encore les données pour ces aspects-là. Ce qu'on a pu observer, en fait, et toute l'histoire a commencé avec cette observation, c'est qu'on s'était rendu compte que chez des souris qui consomment des agents émulsifiants, on a une altération de la composition du microbiote, c'est-à-dire qu'on a grossièrement des bonnes bactéries qui disparaissent ou qui sont diminuées, plutôt des mauvaises bactéries qui prennent la place. Et parmi les bonnes bactéries qui étaient diminuées, eh ben, il y avait Acarmensia mucinifera. Donc on pense que peut-être, et on est en train d'y travailler, peut-être qu'un des mécanismes d'action par lequel ces additifs sont négatifs, c'est en inhibant et en diminuant la présence d'Acarmensia mucinifera. D'où le fait que quand on la rajoute dans l'équation et quand on donne Acarmensia mucinifera en traitement comme ça journalier à nos souris qui consomment des additifs, on arrive à complètement annuler les effets négatifs de ces additifs. Est-ce qu'on va pouvoir prévenir? Est-ce que ça peut jouer un rôle aussi en post-exposition? C'est-à-dire que est-ce que chez des souris qui sont rendues malades par ces additifs, est-ce que Acarmensia mucinifera peut permettre une guérison plus rapide? Ça, c'est des aspects qu'on n'a pas encore étudiés, mais qui nous intéressent. Et donc ça, c'est un modèle animal. Les expériences sont en train d'être faites chez l'homme pour montrer est-ce que Acarmensia peut aussi avoir un rôle bénéfique en santé métabolique et inflammatoire chez l'homme. Concernant l'interaction des deux, c'est-à-dire quel va être le potentiel rôle bénéfique d'Acarmentia chez des hommes ou chez des humains qui consomment ces additifs alimentaires-là, il n'y a pas encore d'études qui sont lancées, mais on avance sur les deux fronts un petit peu en parallèle. Il y a des études sur Acarmentia, il y a des études sur les agents émulsifiants qui sont menées chez l'homme. Et donc, bien sûr, les données seront croisées. On remettra Acarmentia mucinifera dans l'équation pour essayer de voir justement est-ce que la consommation de ces additifs alimentaires-là a modulé, par exemple, la présence de cette bactérie bénéfique au niveau de l'intestin, etc., etc. Et donc, Acarmentia pourrait avoir un rôle soit comme probiotique pour protéger contre les émulsifiants, soit comme indicateur de risque individuel. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment un point très très important. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup beaucoup au laboratoire en ce moment. C'est notamment qui est en lien avec l'étude pilote qu'on a faite chez l'homme, où en fait on s'est rendu compte que tous les individus qui étaient traités à certains additifs alimentaires, et notamment dans ce cas-là au carboxyméthylcellulose, on s'est rendu compte que certains individus en fait étaient relativement protégés et toléraient très bien cet additif alimentaire-là, tandis que d'autres répondaient de manière beaucoup plus négative avec encore une fois un microbiote qui répondait, qui détectait cet additif et qui était capable de coloniser la couche de mucus. Est-ce que Acarmentia joue un rôle dans cette stratification des patients? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser Acarmentia pour prédire qui va être résistant, qui va être sensible, plus sensible à ces additifs alimentaires-là? On a besoin d'études plus larges et c'est des choses qu'on est en train de regarder. Mais clairement, on s'intéresse clairement au rôle d'Acarmentia dans la sensibilité, dans la susceptibilité à ces additifs alimentaires-là. Merci Natacha Demoule pour ce reportage. Nathalie Vergnol, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, c'est une très très belle étude hein, réalisée par l'équipe de Benoît Chassin et de très beaux résultats qui vraiment sont extrêmement informatifs sur les effets de ces additifs alimentaires, leurs risques et leur mode d'action sur cette communauté microbiotique. Donc, ce sont vraiment des résultats fondamentaux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que finalement, on a des bactéries qui vont être plus ou moins sensibles aux additifs alimentaires. Hein, c'est en partie ce que montrent ces résultats-là, et que ces additifs alimentaires, ils peuvent agir sur la communauté dans son ensemble. Ils peuvent aussi agir d'ailleurs sur nos propres cellules, hein, sur les cellules de l'hôte. Et en contrepartie, ces cellules de l'autre avoir un effet sur le microbiote. Donc, c'est un système assez complexe comme ça. Et puis aussi, ce que ça suggère, c'est que ces additifs alimentaires peuvent aussi transformer une bactérie qui serait, disons, normale, non agressive, en bactéries agressives. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet pathobionte, qui est extrêmement intéressant parce que ça signifie que sur une même bactérie, une même espèce, on peut avoir un comportement plus ou moins agressif selon ce à quoi elle va être exposée. Et donc, évidemment, ça met l'alerte sur l'utilisation de ces additifs alimentaires, leur dose, dans notre quotidien, bien sûr. Harry Sokol, vous aussi une réaction à ce reportage? Oui, alors, deux choses. D'abord, les travaux de Benoît Chassin sont vraiment très intéressants et ont mis vraiment la lumière sur le rôle de ces additifs alimentaires et notamment les émulsifiants. Depuis, il y a eu de très grandes études épidémiologiques qui ont montré un lien épidémiologique, c'est-à-dire une corrélation, et donc faut rester prudent chez l'homme sur ces corrélations, entre la prise d'aliments ultra-transformés, la fréquence de prise de ces aliments ultra-transformés et le risque de développer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et particulièrement une maladie de Crohn. Donc on a aussi des arguments chez l'homme suggérant que ces aliments ultra-transformés sont délétères. Après, l'autre élément, juste pour dire que les choses sont toujours plus complexes que ce qui paraît au premier regard, c'est que, en fait, Akkermansia muciniphila, elle stimule la production de mucus, mais elle mange aussi le mucus. Donc, les liens de causalité entre les émulsifiants qui potentiellement agresse le mucus ou Akkermansia qui va manger le mucus et en même temps stimuler la production de mucus, reste extrêmement complexe et il y a encore un petit peu de travail pour bien comprendre tout ça. Vous venez d'évoquer les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Tout à l'heure, on le disait, Henri Sokol, les contextes pathologiques où les probiotiques ont un intérêt sont extrêmement limités. Globalement, je répète, c'est diarrhée liée aux antibiotiques, diarrhée de l'enfant, syndrome de l'intestin irritable. Pour les MIKI, les probiotiques conventionnels n'ont pas encore de place, n'ont pas encore de rôle à jouer. Non, aujourd'hui on a quelques probiotiques qui ont montré une légère efficacité dans la rectocolite hémorragique ou dans une autre circonstance très particulière qui s'appelle la pochite, mais ce sont vraiment des effets mineurs. Et très clairement, ça ne remplace pas malheureusement les traitements actuels qui sont basés sur des immunosuppresseurs, c'est-à-dire des médicaments qui vont calmer le système immunitaire qui est suractivé dans l'intestin de ces patients. Nathalie Vergnol ? Oui, ce sont de bons compléments pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, effectivement. Ce que disait Harry, on ne peut pas éviter l'utilisation de molécules qui vont cibler le système immunitaire, qui vont réduire la réponse inflammatoire, parce que les probiotiques ne sont pas capables à eux seuls, évidemment, de le faire. Par contre, dans plusieurs situations, on a vu des effets bénéfiques sur certains symptômes chez ces patients. Donc, ce sont des traitements d'accompagnement extrêmement intéressants. Voilà, les souches probiotiques vont agir plutôt sur les symptômes, en fait, que sur la maladie elle-même. Alors, comment les bactéries alimentaires peuvent soigner les MIKI? Quelles sont les promesses des probiotiques de nouvelle génération? On répond à ces questions après ce blues du mal de ventre. Look, boy, ain't that a crying shame? I said, why? He said, oh, ooh, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch. He said, I got a stomachache. Hey! 16h38 sur France Culture, Junior Wells, j'ai un mal de ventre car nous parlons de microbiote. Et plus exactement des effets des probiotiques sur la flore intestinale. On en parle avec nos deux invités du jour, Harry Sokol, gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Nathalie Vergnol, pharmacologue, directrice de recherche INSERM et directrice de l'Institut de Recherche en Santé Digestive à Toulouse. Nous venons de voir que les indications médicales dans lesquelles les probiotiques conventionnels ont souvent un intérêt extrêmement limité. À présent, parlons des probiotiques pour lutter contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MIKI. Les deux principales sont la maladie de Crohn et la rectolite hémorragique. Ce sont deux maladies auto-immunes. Elles sont liées à une activation inappropriée du système immunitaire dans l'intestin. Harry Sokol, pourquoi le microbiote constitue une cible thérapeutique de choix pour la prise en charge de ces maladies? Alors, les gastro-entérologues se sont penchés sur ces maladies depuis très longtemps. Et à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des micro-organismes dans l'intestin, le lien était assez évident entre inflammation dans l'intestin et bactéries, micro-organismes même au sens large. Et donc, assez rapidement, on s'est posé la question du rôle de ces micro-organismes. Et les premières études qui ont été faites par des collègues belges ont permis réellement de démontrer le rôle de ces micro-organismes au moins dans l'initiation de l'inflammation. Alors c'est avec des expériences un petit peu compliquées chez des patients qui avaient une maladie de Crohn et qui nécessitait une résection de l'intestin, c'est-à-dire que quand la maladie était trop sévère, un morceau de l'intestin doit être enlevé par le chirurgien. Et à ce moment-là, le chirurgien ne peut pas remettre en continuité, ne peut pas faire la suture de l'intestin qui a été coupé parce que, comme il y a de l'inflammation, le tissu est trop fragile. Et donc, dans cette situation, l'intestin est mis à la peau, et c'est ce qu'on appelle l'anus artificiel ou une stomie, et à ce moment-là, le contenu de l'intestin sort donc du corps, et l'intestin en aval n'est plus en contact avec les micro-organismes. Et ce que l'on constate cliniquement, c'est que l'intestin en aval qui n'est plus en contact avec les micro-organismes cicatrise. Et dès qu'on va remettre en continuité l'intestin, ce qu'ont fait nos collègues belges, si on réinstille le contenu de l'intestin dans l'intestin d'aval, eh bien, au bout de moins de 8 jours, on voit l'inflammation réapparaître. Et donc ça a été vraiment une des premières preuves, début des années 90, démontrant que ce microbiote jouait un rôle dans l'initiation au moins de l'inflammation. Nathalie Verniol, néanmoins, les prébiotiques ne sont pas suffisants pour prendre en charge ces MIKI. Oui, effectivement. En fait, ce qu'on sait du rôle du microbiote pour ces MIKI, c'est finalement que le système immunitaire surréagit à la présence de microbiote s'emballe vis-à-vis de la présence de ce microbiote. Et cette réaction inflammatoire, en fait, modifie la composition même de ce microbiote, le rend plus agressif. Et donc, c'est comme ça une espèce de cercle infernal qui s'emballe qui veut qu'on cible le système immunitaire. De toute façon, on est obligé de cibler le système immunitaire et de réduire son emballement si on veut avoir un effet. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, cibler le microbiote, ça a un intérêt aussi, parce que ça c'est une autre façon de réduire ce cercle infernal, une façon additionnelle, disons, de réduire ce cercle infernal. Alors, on peut le cibler par des antibiotiques, il y a eu des études qui ont fait ça, hein, en essayant de voir comment certains antibiotiques, en réduisant la présence de certaines bactéries, pouvaient avoir un effet bénéfique, en plus des agents, disons, immunomodulants. Mais on peut aussi essayer de renforcer cette communauté microbienne en bonnes bactéries avec les approches probiotiques. Mais à l'heure actuelle, les probiotiques sont pertinents surtout pour maintenir les phases de rémission. La recherche s'oriente donc vers l'utilisation de probiotiques de nouvelle génération. Harry Sokol, vous travaillez sur ces probiotiques du futur. Vous travaillez notamment sur Fecalibacterium prosnitzii. Oui, c'est ça. C'est bien prononcé, super. Un nom compliqué, mais vous l'avez très bien prononcé. Donc effectivement, cette bactérie, et peut-être c'est l'occasion de dire un peu ce que sont les probiotiques de nouvelle génération comparés aux probiotiques classiques. Les probiotiques de nouvelle génération, il y en a de différents types, mais le type dont on parle pour Fecalibacterium prosnitzii, ce sont des bactéries que l'on va identifier dans le microbiote intestinal humain et que l'on va sélectionner de manière rationnelle pour leurs effets biologiques. Contrairement à l'essentiel des probiotiques classiques, qui ne viennent pas du microbiote intestinal, dans la grande majorité, qui viennent plutôt de l'environnement, de végétaux ou autres, et donc pour lesquels finalement l'intestin n'est pas l'habitat naturel. Donc cette bactérie, elle est très particulière. On l'a identifiée comme candidat probiotique potentiel avec mon collègue Philippe Langella de l'INRA. L'histoire a commencé en observant que cette bactérie, elle est extrêmement abondante dans le microbiote des sujets sains, puisqu'elle représente de l'ordre de 5% du microbiote sain à elle toute seule. Elle est présente également chez tous les individus, et ça c'est une caractéristique assez rare pour les bactéries de l'intestin, on la retrouve chez tout le monde. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que son abondance diminue de manière drastique chez les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et notamment une maladie de Crohn. On s'est rendu compte également que plus l'abondance de cette bactérie diminuait, plus les patients avaient tendance à récidiver, à faire des poussées inflammatoires de leur maladie. Et donc, on s'est dit, on s'est demandé si cette bactérie ne pouvait pas avoir des effets anti-inflammatoires en elle-même. Et effectivement, c'est ce que l'on a démontré sur des modèles cellulaires, sur des souris, et ce que l'on a publié il y a maintenant presque 15 ans, en 2008. Vous avez constaté que son absence est liée à l'augmentation de l'inflammation dans les Mickey. Et quels sont ces mécanismes d'action? Alors, après avoir observé ces effets anti-inflammatoires, on a travaillé maintenant depuis plus de 10 ans pour essayer de comprendre comment ça marche. Et donc, on a identifié de nombreux mécanismes. D'abord, on a, et c'est probablement les mécanismes principaux, il y a sur la paroi de la bactérie des molécules qui sont partiellement identifiées, on va dire, et qui vont agir sur certaines cellules immunitaires de notre intestin. Et globalement, l'effet de ces molécules, ça va être de rendre les cellules immunitaires régulatrices, calmes, et ça va induire, on va dire, des signaux pacifiques vis-à-vis de ces cellules immunitaires. Ensuite, il y a des molécules que la bactérie produit elle-même, notamment une molécule qui s'appelle le butyrate, qui est un acide gras à chaîne courte, un postbiotique. C'est une molécule produite par les bactéries de l'intestin lorsqu'elles vont manger des fibres végétales. Et cette bactérie, Fecalibacterium prausnitzii, est un des plus grands producteurs de butyrate de notre intestin. Mais pas seulement le butyrate, il y a aussi d'autres molécules qui vont être produites par cette bactérie, qui vont agir notamment sur les cellules épithéliales de notre intestin, c'est-à-dire sur les cellules qui séparent finalement la lumière intestinale de notre organisme et là encore induire des effets anti-inflammatoires. Et il se trouve aussi que Fecalibacterium prausnitzii a par ailleurs d'autres intérêts, notamment améliorer la réponse des patients aux immunothérapies prises pour lutter contre le cancer. Oui, alors ça, ce sont des données un petit peu plus récentes. Il a été montré par d'abord par nos collègues français et notamment l'équipe du docteur Zyd Vogel que le microbiote intestinal joue un rôle dans la réponse à l'immunothérapie anticancéreuse. Donc l'immunothérapie, c'est vraiment une des grandes révolutions de la thérapie du cancer de ces dernières années. Et contrairement à la chimiothérapie, ces traitements visent à réactiver le système immunitaire des patients pour que lui-même se débarrasse finalement du cancer. Et on s'est rendu compte que l'état du microbiote du patient au moment du traitement conditionnait l'efficacité de ces traitements. Et parmi les bactéries qui étaient associées à une grande efficacité, on retrouvait à nouveau cette bactérie Fecalibacterium prausnitzii. Et ça, ce sont des résultats qui ont été confirmés par de très nombreuses études dans le monde. Et donc récemment, on a réalisé des expériences en laboratoire montrant chez l'animal que si on administre cette bactérie à des souris qui ont un cancer et qu'on traite avec une immunothérapie, eh bien, on booste la réponse anticancéreuse. Et donc maintenant, on espère débuter des essais chez l'homme prochainement. Oui, c'est ça. Vous avez cofondé une start-up Excellium Bioscience, dont l'objectif est de faire de cette bactérie un médicament pour l'homme. Les premiers essais cliniques de phase 1 et 2 a commencé. Enfin, il y a quelques semaines. Alors, dans ces recherches de probiotiques du futur, vous aussi, Nathalie Vergnol, vous avez votre rôle, votre place à jouer, puisque vous vous intéressez à une molécule présente à la surface de l'intestin, l'élaphine. Oui, effectivement. Alors, en ce qui nous concerne au laboratoire, on étudie les deux côtés. On étudie le microbiote, mais on étudie aussi l'hôte et donc nos propres cellules. Cette ligne de cellules qu'on appelle épithéliales, qui sont à la surface de l'intestin. Et c'est la première ligne de cellules qui est en contact avec le contenu luminal et notamment avec le microbiote. Et donc, on s'est intéressé à ce qui se passe dans ces cellules épithéliales lors de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et on s'est aperçu qu'il y avait une protéine en particulier qui s'appelle l'élaphine qui était effondrée, donc qui est très, très peu présente dans l'épithélium des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, à la fois maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Et donc, on s'est attaché à comprendre le rôle de cette élaphine dans l'épithélium, le rôle qu'elle jouait. Et on s'est aperçu qu'elle avait un rôle bénéfique lorsqu'elle est là et que son absence donc dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin entretenait en quelque sorte l'inflammation et la non-fonctionnalité des tissus et que si on arrivait à à l'amener et à l'exprimer donc dans l'intestin à un niveau normal, on pouvait effectivement récupérer des fonctions normales et des tissus réparés. Et donc, on s'est dit, mais comment amener à produire cette élaphine au bon endroit, au bon moment et en bonne quantité. Et c'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser justement un vecteur probiotique chez lequel on ferait exprimer cette protéine de l'hôte, c'est-à-dire notre propre protéine que les patients n'arrivent pas à synthétiser, la faire synthétiser par un probiotique. Et ce qui fait qu'on aurait un probiotique augmenté dans sa capacité, avec ses effets bénéfiques de probiotique dont on a parlé depuis le début de l'émission, mais ses effets qui seraient augmentés par le fait qu'on leur fait exprimer cette protéine, cette élaphine qui nous fait défaut chez les patients. Voilà, c'est que l'idée dans votre démarche, c'est de vraiment venir modifier génétiquement une souche probiotique. Oui, pardon. C'est d'avoir une bactérie médicament qui est génétiquement modifiée, faut mettre les mots dessus. La question, hein, effectivement, est-ce qu'on peut imaginer d'utiliser des OGM, des organismes génétiquement modifiés, comme médicament? En ce qui concerne des bactéries, disons, de l'alimentation, hein, qui seraient prises oralement, on a les moyens de faire en sorte, alors c'est un petit peu complexe, peut-être je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a les moyens de faire en sorte que ces organismes génétiquement modifiés ne se disséminent pas dans la nature et que, en fait, quand ils sont ingérés, ils produisent cette élaphine, mais que lorsqu'ils sortent du tube digestif, ils ne sont plus génétiquement modifiés et les bactéries ne sont plus vivantes. Celles qui sont génétiquement modifiées ne sont plus vivantes lorsqu'elles sortent de l'organisme. Donc ça évite la dissémination d'organismes génétiquement modifiés. Et voilà, vous l'avez testé sur des cultures de cellules intestinales humaines. La bactérie modifiée est capable de protéger ces cellules, mais c'est pour ces raisons que vous venez d'expliquer qu'on n'a pas encore pu tester in vivo chez l'homme cette bactérie. C'est ça. Donc, on l'a testé effectivement dans des mini-organes, des organoïdes humains. Effectivement, elle protège très bien. On l'a testé dans d'autres modèles in vivo et elle a un effet protecteur extrêmement intéressant. Mais effectivement, le passage à des études chez l'homme prend un petit peu plus de temps et prend le temps, en fait, de générer ce micro-organisme non disséminant. C'est vraiment ça la clé. Et aujourd'hui, on travaille ça avec une entreprise française qui est en train de produire, en fait, ce micro-organisme modifié. Dont on espère pouvoir le tester dans des études cliniques assez rapidement. Voilà, une fois que vous aurez réuni les fonds nécessaires, vous passerez directement aux essais cliniques de phase 2. Merci infiniment à vous deux de nous avoir éclairés sur ces questions. Je rappelle à Harry Sokol que votre BD Les extraordinaires pouvoirs du ventre est disponible en librairie. Il est temps à présent de retrouver Étienne Klein et sa chronique Le pourquoi du comment. Comment penser l'infini ? Le plus souvent, l'infini est pensé à partir du fini. On fait comme s'il n'était qu'une extension, un prolongement sans fin, le simple résultat d'un passage à la limite. On imagine des nombres de plus en plus grands, aussi grands que l'on veut, sans fixer aucune borne aux valeurs qu'ils peuvent prendre. Et on pense qu'au bout du bout de cette opération, l'infini est censé montrer le bout de son nez, forcément immense. Alors qu'en réalité, l'infini est une catégorie à part. Il est incommensurable à toute forme de finitude, même quand on tente de faire déborder celle-ci hors d'elle-même. L'infini est ou il n'est pas. En partant du fini, on ne saurait l'atteindre, ni même l'approcher. En définitive, rien n'existe qui puisse être dit presque infini. C'est pourquoi l'adverbe « infiniment » ment sur l'infini, comme s'il se dénonçait lui-même. C'est ce que comprit Georges Cantor au cours des années 1870. Ce mathématicien eut la géniale idée de saisir tous les nombres entiers d'un seul coup, comme dans un filet, sans tenter de les construire un par un comme on a coutume de faire. Il appela oméga cet ensemble formé par tous les nombres entiers. Puis il découvrit que cet ensemble pouvait être mis en correspondance parfaite avec des parties de lui-même, alors même que celles-ci sont censées être plus petites que lui. Je m'explique. De prime abord, il semble aller de soi qu'il y a davantage de nombres entiers que de nombres pairs. En effet, seulement un nombre entier sur deux est multiple de deux. Pourtant, cette évidence apparente est fausse. Pourquoi ? Parce qu'il est facile d'établir une bijection, comme on dit, entre tous les nombres entiers et tous les nombres pairs. Il suffit pour cela d'associer à chaque nombre entier son double. À 1, on associe 2, à 2, on associe 4, à 3, 6, je vous laisse poursuivre. Ce qui démontre qu'il y a en réalité autant de nombres entiers que de nombres pairs. Ce nombre est bien sûr infini. On l'appelle l'infini dénombrable. C'est l'effectif du plus petit des ensembles infinis, car il y a en fait une infinité de sortes d'infinis, comme nous le verrons. Il représente une sorte d'atome d'infinité, pour parler comme Gaston Bachelard, expression qui, si nous l'entendons bien, apparaît capable de réveiller en sursaut l'imaginaire le plus endormi. Retenons simplement qu'une partie d'un ensemble peut être aussi grosse que l'ensemble lui-même si celui-ci est infini. Contrairement à ce que nous souffle l'intuition, un ensemble infini n'est donc pas un ensemble fini dont on aurait indéfiniment augmenté la taille, mais un ensemble qui a la propriété de pouvoir être mis en bijection avec l'une de ses parties. En d'autres termes, l'infini n'est pas une affaire de nombre, car cette notion ne vaut que pour les ensembles finis, dont on peut toujours mesurer la taille, le cardinal, comme on dit, par un nombre, justement. Non, l'infini est une affaire de puissance. Deux ensembles infinis ont la même puissance, s'ils peuvent être mis élément par élément en correspondance biunivoque. Poursuivant fiévreusement ses recherches, Cantor en vint à se demander s'il y a vraiment, comme l'évidence semble le dire, plus de points dans un carré de côté L que sur un segment de longueur L. Et la réponse s'imposa. Il y a exactement autant de points sur le segment, qui est de dimension 1, que dans tout le carré, qui est de dimension 2. Autrement dit, il est possible d'établir une bijection entre chacun des points du segment et chacun des points de la surface du carré. Débordant sa propre pensée et déréglant ses idées les plus sûres, cette conclusion le dérangea profondément. Le segment étant contenu dans le carré, il s'attendait à ce que l'infini associé au nombre de points dans le carré soit plus grand que l'infini associé au nombre de points du segment. Cantor fut littéralement effrayé par cette découverte, que son intuition rejetait viscéralement, mais que sa raison devait bien admettre, puisqu'il pensait avoir établi une preuve de sa véracité. Dans une lettre datée du 29 juin 1877, adressée à son collègue et ami Richard D. de King, il rendit compte ainsi de son désarroi. « Ce que je crois avoir démontré est pour moi si inattendu, si nouveau, que je ne pourrais pas arriver à une certaine tranquillité d'esprit avant que je n'aie reçu, très honoré ami, votre jugement sur son exactitude. Tant que vous ne m'aurez pas approuvé, je ne puis que dire « je le vois, mais je ne le crois pas ». Fin de citation. D. de King lui répondit le 2 juillet suivant « J'ai examiné encore une fois votre démonstration et je n'y ai pas trouvé de lacune. Je suis convaincu que votre intéressant théorème est exact et je vous en félicite. » Fin de citation. Cantor découvrait là que l'infini, dès lors qu'on l'a radicalement séparé du fini, devient lui-même déployable à l'infini. Je vous propose qu'on s'arrête là, parce que j'en ai la tête qui tourne. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe. Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Nafi Terrasse, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, Natacha Demoule à la réalisation, Sam Bakiast à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Cette émission, ce podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.